très gentil. Rele Marie, capite sous grand rue. Li fait couture, l'Henri Delry. Kaila Messi, ensemble avec Julie. C'est Amélie, qui fait une mise en pli. Et l'infini, pour lui capable de faire une tragédie. Frère Henri, tombé couru. Puis elle partit, tombé dans sa vendue. Cécile, à Angélie, pour tête Henri, tombé fait jalousie. C'est Anne-Marie qui courit pour Witi. Et l'Invini, qui courit la chercher la police. C'est nos villes qui déchita. Bien parti, la police débarque. Cécile, à Angélie, pour tête Henri, tombé fait jalousie. C'est Anne-Marie qui courit pour Witi. Et l'Invini, qui courit la chercher la police. C'est nos villes qui déchita. Pied parti, la police débarque. Anne-Marie courit, pardon, la police débarque. Baton, la police met baton.